Racine de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'écouter Patrick Marcolini qui dirige la collection Versus aux éditions L'Échappée où il publie des ouvrages de philosophie politique. Et voilà, aujourd'hui il va nous présenter le livre de Renaud Garcia, Le désert de la critique, des constructions et politiques, publié donc aux éditions L'Échappée en 2015. Avant de parler de l'ouvrage, je vais peut-être parler de l'auteur d'abord. Donc Renaud Garcia, c'est un ami à nous qui est anarchiste et qui est par ailleurs professeur de philosophie en lycée. De manière volontaire, il a refusé de rentrer à l'université alors que bon, c'est un agrégé, etc. Donc il y a, comme il le dit au dos du livre, chez lui, une sorte de refus de parvenir. Et il a décidé de faire profiter un peu tous les camarades anarchistes de ses connaissances en philosophie pour nous expliquer les enjeux qui sous-tendent pas mal de débats actuels dans l'extrême gauche en général et parfois même dans la gauche autour de l'idée de déconstruction. Alors, déconstruction, c'est un mot un peu compliqué. C'est un mot qui vient vraiment de la philosophie, en particulier de Jacques Derrida, qui est le philosophe des années 70 à 90, grosso modo, qui a développé ce concept, qui est un concept au départ très technique. Et ce mot s'est répandu progressivement dans tous les milieux politiques, à l'extrême gauche d'abord, et puis maintenant on l'entend un peu partout, même dans la vie quotidienne. Et c'est un mot qui en est venu à remplacer d'autres mots, par exemple critiquer, démolir. À chaque fois, ce mot est employé pour désigner une opération qui consiste à dévoiler les fondements de quelque chose et en même temps à faire cesser une forme de domination. Donc on va déconstruire le capitalisme, on va déconstruire le patriarcat, on va déconstruire les dominations de genre, on va déconstruire les représentations racistes, on va déconstruire, bon, et ainsi de suite. Et quand je dis que ce terme s'est répandu un peu partout aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un veut s'attaquer à une idée, en fait, au lieu de dire « je vais m'attaquer à cette idée », il veut dire « je vais la déconstruire ». Et puis progressivement, en fait, maintenant, même en dehors du champ politique, on peut voir apparaître le terme « déconstruire ». Là, pour citer juste un exemple, dans le journal Le Monde, il y a 2-3 semaines, il y avait un article sur un festival de la mode à Hyères, dans le sud de la France, et au milieu de l'article, on trouve une phrase comme « les jeunes créateurs de la mode aujourd'hui déconstruisent la société technologique, déconstruisent les selfies, déconstruisent, bon, et ainsi de suite. Donc finalement, c'est un mot qui s'est tellement répandu aujourd'hui qu'on peut se demander s'il a encore du sens. Mais en tout cas, il est porteur d'enjeux importants dans le champ politique à l'extrême gauche, parce que quand on utilise un mot, le mot ne se résume pas à lui-même. En fait, il est porteur de toute une idéologie derrière, de tout un tas d'implications logiques qui sont liées à l'emploi de ce mot. Donc c'est pas, les mots ne sont jamais neutres, évidemment, mais celui-ci l'est encore moins que d'autres. C'est un mot qui est beaucoup défendu par tout un tas de courants assez novateurs dans la critique sociale depuis les années 90-2000. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il porte véritablement une critique radicale ? Voilà, c'est la question que pose Renaud Garcia. La réponse qu'il donne, même si elle est assez nuancée, est globalement non. L'usage du terme de déconstruction est plutôt une impasse pour comprendre dans quel mécanisme on est pris aujourd'hui à l'échelle sociale. En fait, on a du mal à saisir même, parce que c'était beaucoup utilisé dans le féminisme. Je pense que c'est toujours utilisé dans le sens de déconstruction d'une idée de l'essence de la femme ou de l'essence de la virilité et un besoin de questionner ces idées-là. Donc dans déconstruction, il y a reconstruction d'un nouveau, un nouvel humain enlevé de toutes ces choses rétrogrades et clichés, etc. Donc, mais après, quand on parle de déconstruire le colonialisme, là, ça devient un peu plus étrange, ou de déconstruire un selfie. Là, on ne sait plus du tout de quoi on parle. Oui. Alors bon, bon j'écarte tout de suite les usages débiles comme celui du monde que je viens de citer, où à mon avis le mot ne signifie plus rien du tout, et en fait, simplement comme c'est un mot à la mode, on va l'utiliser comme ça dans un langage journalistique ou médiatique. En revanche, dans les discours militants, les discours politiques d'extrême gauche, le terme de déconstruction, en fait, qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'il porte avec lui? Pourquoi t'as justement insisté sur le fait que déconstruire, ça signifie qu'il y a construction, qu'il y a reconstruction, etc. Ça signifie en fait que on s'attaque à quelque chose, une domination, qui est de l'ordre d'une construction sociale. Construction sociale, ça veut dire que c'est quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose qui a été progressivement assemblé, agencé, pour véhiculer cette domination. Alors par exemple, ça va être la représentation des hommes comme étant plus compétents, plus intelligents, plus maîtres de leurs émotions. Tout ça, cette idée-là, c'est une représentation assez stéréotypée de ce qu'est l'homme. Mais en même temps, c'est une représentation qui est construite. Il y a un discours qui est derrière ça, un discours qui va même jusqu'au discours scientifique, avec par exemple à une certaine époque les mesures de la boîte crânienne pour voir que le cerveau de l'homme est plus gros, le discours de la psychologie aussi pendant assez longtemps qui va assurer que la femme est plus émotive, plus sentimentale, elle est plus sujette à des crises, à de l'hystérie, etc. Donc tout ça, on est bien d'accord, c'est effectivement une construction sociale. Et c'est une construction sociale qui véhicule des formes de domination. Donc Renaud Garcia ne remet pas du tout en question le fait qu'il y a des constructions sociales qui peuvent être aliénantes, qui peuvent être foncièrement négatives pour la liberté, la justice, l'égalité. En revanche, ce qu'il remet en question, c'est le fait que cette idée de déconstruction véhicule l'idée que potentiellement tout ce qui nous entoure pourrait être un ensemble de constructions sociales qu'il faudrait nécessairement démanteler, qu'il faudrait nécessairement déconstruire. Et donc, il y a certaines choses, certains éléments de la vie sociale, de la vie individuelle, où on peut se poser réellement la question, est-ce qu'il faut déconstruire, démanteler ces éléments-là? Est-ce qu'ils sont intrinsèquement porteurs d'une négativité, d'une aliénation, ou bien est-ce qu'on ne peut pas en faire autre chose? Je cite juste un exemple qui, pour être un peu plus clair, le concept de nature. Le concept de nature a très très mauvaise presse aujourd'hui dans toute une partie de l'extrême gauche, parce qu'on estime que lorsqu'on veut invoquer un pouvoir exercé sur des personnes, on va systématiquement invoquer la nature comme référence. Donc par exemple, il est dans la nature des femmes d'être plus émotives, pour reprendre l'exemple qu'on a pris tout à l'heure. Et à partir de là, on va dire en fait la référence à la nature est une référence spontanément idéologique, elle est contrairement à ce que suppose le mot complètement artificiel. Et on va même aller plus loin, on va dire finalement le concept de nature n'existe pas. C'est toujours une représentation humaine, c'est toujours ce qu'on en fait. En fait, on dissout le concept de nature dans celui de culture en disant la nature n'existe pas. La question qu'on peut se poser, c'est en faisant ça, par exemple, qu'est-ce qu'on fait si on se place sur un terrain écologique? Si on se place sur un terrain écoféministe, par exemple, du coup, il y a contradiction. Que faire? Si on assume une position féministe avec déconstruction totale de la nature, comment on peut revendiquer aussi une conception écologique qui se fait écologiste, avec une lutte qui se mène bien au nom de la défense de la nature? Mais alors, quelle nature? Voilà, c'est ce genre de questionnement que pose Renaud Garcia. Est-ce qu'il n'y a pas des concepts pour lesquels l'entreprise de déconstruction doit atteindre une forme de limite? Il y a la déconstruction et il y a aussi une critique du postmodernisme à travers la figure de Foucault, qui est beaucoup évoquée. C'est aussi une autre question, donc avec plein de définitions différentes. Qu'est-ce que le postmodernisme? Et qu'est-ce que le postmodernisme du point de vue militant, qui est encore autre chose, je pense. Alors, c'est un point sur lequel les connaissances... C'est lié aussi à la déconstruction. Bien sûr, et c'est un point sur lequel les connaissances de Renaud Garcia en philosophie permettent aussi d'avoir quelques lumières. En fait, le postmodernisme en philosophie, c'est l'ensemble des courants philosophiques qui se sont imposés en France et en Europe à partir des années 60-70. Les grands noms du postmodernisme, habituellement, qu'on regroupe sous ce nom-là, sont les noms de Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jean-François Lyotard, Jacques Derrida, Michel Foucault. Bon, on peut en rajouter encore d'autres à cette constellation, mais là, on a les noms des maîtres penseurs du postmodernisme. Postmodernisme, ça signifie quoi? Post, après, moderne. C'est ceux qui viennent après la modernité. C'est ceux qui, en fait, vont s'attaquer aux grands idéaux de la modernité. Les grands idéaux de la modernité, ce sont ceux qui sont issus des Lumières du XVIIIe siècle. Ce sont ceux au nom desquels la Révolution française s'est menée et autour desquels s'est construite toute une partie du mouvement ouvrier par la suite. Donc c'est l'idée de se battre pour la vérité, le respect de la vérité. L'idée de se battre contre la religion, contre les idéologies, au nom d'un exercice de la raison. Et puis, ce sont plus largement les idéaux de liberté et d'égalité. Alors, les penseurs postmodernes vont s'attaquer principalement au concept de raison et de vérité, c'est-à-dire qu'ils vont propager une forme de relativisme absolu, en disant que la raison et la vérité sont entièrement tributaires des rapports de pouvoir à l'intérieur d'une société donnée. Si c'est la bourgeoisie, si ce sont les hommes, si ce sont les occidentaux, les blancs, qui sont en position favorable dans ces rapports de pouvoir, ce sont eux qui vont imposer réellement ce qu'est la vérité, ce sont eux qui vont propager une certaine forme de réflexivité qu'ils appellent la raison avec un grand R. Et leur conception de la liberté, de la justice et de l'égalité, que eux prétendent universelle, vont en fait être très étroitement circonscrites, c'est-à-dire qu'on va être réservé à certaines catégories plutôt que d'autres. Donc les penseurs postmodernes vont dénoncer justement ces idéaux-là, qui sont des idéaux abstraits, qui sont des idéaux universalistes, mais dans les faits, cet universalisme cache des formes de domination spécifiques. Et ils vont remettre en question en fait tous ces idéaux et proposer donc une déconstruction de ces idéaux. Et c'est là où on retombe sur le concept de déconstruction. Pour Michel Foucault que tu citais, je peux donner un exemple, c'est l'idée que par exemple le concept de vérité n'est pas pensable en dehors des conditions historiques dans lesquelles cette vérité se fabrique. Et donc en particulier, lorsqu'on va voir des discours scientifiques qui prétendent parler au nom de la vérité, qui prétendent produire une vérité, quand on regarde comment cette science se fait, on se rend compte que les discours scientifiques sont pris eux-mêmes dans des rapports de pouvoir. L'exemple le plus classique, c'est celui des études sur l'hystérie, où ce sont des médecins hommes qui étudient le comportement de patientes, de femmes, et donc vont porter un regard complètement masculin en fait sur les ce qu'ils prétendent être des maladies. Donc Michel Foucault va montrer que ces discours sont pris dans des rapports de pouvoir et donc ils doivent être eux-mêmes démantelés si on veut démanteler les rapports de pouvoir en question. Jusque-là, l'analyse est assez intéressante. Le problème, c'est qu'évidemment, Michel Foucault va étendre cette analyse à tous les types de discours. Mmh. Et là, on retombe sur un problème de philosophie assez classique, qui est le problème du relativisme absolu. C'est-à-dire que si on tient un discours comme quoi tout est relatif, il faut aussi que l'assertion selon laquelle tout est relatif soit relativisée. Et donc à ce moment-là, on n'aboutit jamais à une vérité totale, y compris dans le discours qui affirme cela. Ce qu'on sent aussi dans cette pensée, c'est qu'on a l'impression que on a coupé la base, c'est-à-dire on ne sait plus d'où on pense. C'est-à-dire que si on met en doute l'Occident, etc., etc., le fait d'être dans une université pour dire ça, c'est complètement incohérent à la base, puisqu'on utilise forcément la langue de l'oppresseur, etc. Donc il y a aussi le côté se revendiquer comment matérialiste, féministe, communiste, etc. En disant qu'on n'est pas dans l'universalisme, c'est un non-sens aussi. C'est comment, vers quoi on va dans ce cas-là si on refuse l'universalisme complètement comme concept. Là, c'est plus vraiment ce que tu disais, parce qu'il y a aussi il y a aussi l'universalisme qui est mis en question dans cette chose-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a un grand vide dans cette façon-là. On ne questionne pas la façon dont on pense. En voulant questionner la façon dont pensent les autres, on se fait pas finalement à soi-même cet examen-là. Et du coup, ça arrive assez vite vers l'absurde dans les milieux militants qui poussent jusqu'au bout cette chose, quoi. C'est effectivement un paradoxe. Alors Renaud Garcia n'insiste pas trop là-dessus dans son livre, mais c'est vrai que la plupart des théoriciens actuels qui se revendiquent d'extrême gauche, qui émettent ce type de discours qu'on qualifie de post-moderne, les émettent depuis des positions qui sont elles-mêmes des positions de pouvoir, c'est-à-dire des positions universitaires à l'intérieur de centres de recherche, dans le cadre des cours, etc., où leur propre position de pouvoir n'est absolument pas remise en question. Ça, c'est pour la France, mais ça marche même à l'international. Hein, par exemple, quelqu'un comme Judith Butler, qui est très à la mode aujourd'hui et qui est très, très utilisée dans les courants queer aujourd'hui, est en fait une universitaire qui réclame plusieurs dizaines de milliers de dollars pour faire une conférence. C'était un cas qu'on m'avait cité récemment. Elle se déplace uniquement à condition Voilà, qu'on aligne l'argent. Ça pose des questions. Ça... Alors après, est-ce que c'est suffisant pour décrédibiliser ce qu'ils disent ? Moi, je me méfie toujours aussi de mettre en accusation, le fait de mettre en accusation les gens sur leurs pratiques. Ça peut être vrai. Et puis en même temps, on peut dire, malgré tout, il y a un élément de vérité qui subsiste dans leur discours. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est que dans son livre, Renaud Garcia essaie de dialectiser un peu le problème. Il essaie un peu de le rendre plus complexe. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple des théories postcoloniales. Donc, les théories postcoloniales mettent en accusation le fait que, bien que la colonisation ait en apparence cessé, la colonisation de l'ensemble de la planète par l'Occident, les schémas de pensée coloniaux continuent à subsister à l'intérieur des représentations du noir, de l'étranger, de l'exotique, de l'oriental, chez les Européens, chez les Américains. Et que ces représentations, ces schémas de pensée sont extrêmement réducteurs, stéréotypés et véhiculent de nouvelles formes de domination qui, à leur tour, se traduisent par des pratiques comme le contrôle d'identité au faciès ou bien les politiques de lutte contre le terrorisme qui ciblent des catégories de population comme les musulmans, etc. Donc les théoriciens du postcoloniaux disent il faut déconstruire les valeurs occidentales si on veut remonter à la racine du problème. Ce que fait Renaud Garcia me semble beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que lui dit oui, évidemment, effectivement, il y a une hégémonie occidentale qu'il faut remettre en question. Pour autant, est-ce que l'Occident, à certains moments de son histoire, n'a pas été capable de dépasser lui-même ses propres restrictions mentales ? Et n'a pas été capable à certains moments, comme toute civilisation, comme toute autre civilisation, de fournir des éléments qui sont de portée universelle. Et donc là, Renaud Garcia renvoie à certaines valeurs des grands mouvements révolutionnaires qui se sont déroulés en Occident et qui ont gagné en fait d'autres pays que l'Occident, qui ont été repris par des peuples non occidentaux. Et dit ce qui est intéressant, c'est que là, on voit bien qu'il y avait un germe d'universalité. Toutes les populations à travers le monde, quelle que soit leur identité et leur culture, étaient capables de s'approprier certaines de ces revendications, de les reprendre à leur compte et même de les faire progresser dans un autre sens. Et même, et c'est là où c'est le plus intéressant, et même de les réenraciner dans un terreau culturel complètement différent de celui de l'Occident. Donc ce que dit Renaud Garcia, c'est que finalement, la question d'une déconstruction de l'universalisme n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de penser une dialectique entre le particulier et l'universel. Non pas nier les particularismes culturels, mais penser leur articulation avec une portée humaine, au titre générique, hein, vraiment au sens de l'humanité. Voilà. Et pour ça, il présente plusieurs exemples, mais le plus récent et le plus développé, en fait, est celui du zapatisme, où il essaie de montrer que le zapatisme est capable d'articuler l'universel et le particulier, c'est-à-dire revendication universelle sur les questions de critique du capitalisme, sur l'aliénation qui est portée par le capitalisme, les formes de désenchantement du monde, etc. Et en même temps, ancrage dans un particularisme culturel, c'est-à-dire que cette critique du capitalisme se fait aussi à partir de la culture des Indiens du Chiapas, de leur particularité culturelle, d'une certaine conception des rapports à la nature, et ainsi de suite. Bon voilà, je ne développe pas plus longtemps, mais ceux qui s'intéressent à la question pourront trouver dans un des chapitres du livre de beaux développements sur l'articulation entre universalisme et particularisme. Il y a aussi le poste qui s'est ajouté à d'autres idéologies. Mmh. On pense au post-anarchisme, post-marxisme, post-socialisme. Oui. Je ne sais pas si ça existe, mais est-ce que tu peux parler de ça, par exemple ? Oui. En fait, le post-modernisme, j'en ai donné une définition assez large tout à l'heure. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail pour ne pas assommer les auditeurs. Mais effectivement, la vogue des idées post-modernes, qui maintenant occupe une place vraiment importante sur la scène universitaire en France et à l'étranger. Cette vogue s'est traduite par le fait que beaucoup de champs du savoir ou de la politique ont fini par adopter le préfixe post pour signifier qu'on passait à une autre époque, qu'on essayait de construire ces disciplines ou ces formes de politique indépendamment des idéaux universalistes, des Lumières et de la modernité. Et donc, effectivement, on voit apparaître, j'ai parlé des théories postcoloniales. Il y a l'idée que finalement la modernité était solidaire du phénomène colonial. Donc, à partir du moment où on est postmoderne, on est postcolonial. Postcolonial dans les deux sens. Postcolonial, ça veut dire à la fois qu'on s'inscrit dans cette époque qui est postérieure aux colonies, et qu'en même temps, on est dans cette époque où les formes de domination sont elles-mêmes postérieure à la colonisation au sens classique du terme. De la même manière, il y a certaines personnes qui se revendiquent aujourd'hui du post-anarchisme. Donc le post-anarchisme, en fait, c'est l'idée que l'anarchisme doit abandonner le référentiel moderne, c'est-à-dire doit cesser de se battre pour une liberté absolue, doit cesser de se battre pour une forme d'égalité stricte et universelle, doit cesser de se référer à la classe ouvrière, qui est le sujet moderne par excellence, doit cesser de s'ancrer dans des valeurs qui sont supposées être celles de la masculinité, la force, l'affirmation de l'énergie, etc., et doit passer sur un ensemble d'autres registres. Et donc, doit se diversifier. Voilà, il doit se diversifier dans toutes les directions, s'ouvrir à toutes les formes de diversité culturelle, de genre, etc. Et en fait, il doit penser les luttes comme une forme de prolifération des identités et non pas de ramassage au sein d'une seule identité globale qui est l'identité de classe, celle de la classe ouvrière ou de celle des gens qui travaillent. Alors oui. C'est effectivement intéressant parce qu'on s'ouvre à d'autres horizons et Renaud Garcia admet tout à fait cette ouverture. Mais il dit le problème, c'est qu'on perd aussi le référentiel à la question de la classe, la question du travail, la question du capitalisme et de l'économie, alors que malgré tout, aujourd'hui, ces questions-là restent au centre du système qu'il s'agit de combattre. Donc il y a une forme d'oubli, en fait, des dominations de type économique, de classe et de travail, dans cette fascination pour la prolifération des luttes. Oui. Et une autre chose qu'il dit, je me permets juste c'est juste pour finir, mais il dit aussi le problème, c'est qu'avec la prolifération des luttes, on perd une pensée du commun. Les luttes deviennent complètement fragmentaires. Chacun lutte à partir de ce qui l'intéresse. On va lutter sur un quartier, sur un promoteur qui essaie de démolir un ensemble de maisons. On va lutter sur la représentation des femmes dans les médias ou dans la publicité. On va lutter sur... Toutes ces luttes-là sont légitimes. Le problème, c'est que à chaque fois, elles se basent sur un terrain spécifique, elles n'en sortent pas et elles n'arrivent que très peu à communiquer avec d'autres types de luttes. Et donc, il y a le risque d'une sorte de corporatisme, comme ça, de renfermement des luttes chacune les unes sur les autres. Et ce qui est perdu là-dedans, ce que dit Renaud Garcia, c'est que ce qui est perdu là-dedans, c'est la pensée du commun. C'est-à-dire une forme de communauté entre les différents mouvements de lutte, surtout une forme de communauté entre les différents acteurs de la lutte. Et la communauté, c'est pourtant bien ce qu'il s'agit de construire, si on veut aller plus loin, dans une contestation globale du système socio-économico-politique culturel. Voilà. Il y avait aussi dans le post-anarchisme une idée aussi d'éviter la confrontation, d'essayer d'aller sur le côté comme une sorte de stratégie un peu négative, c'est-à-dire on n'arrive pas finalement à battre le capitalisme ou à attaquer directement l'État, donc on va faire ce qu'a fait Akinbe, c'est les zones d'autonomie temporaire. Ce qui ressemble beaucoup, d'ailleurs c'est le même acronyme, c'est pas un hasard, hein, les ZAD qui veut dire zone d'autonomie temporaire, et c'est l'idée qu'en fait au lieu d'aller frontalement comme fait actuellement la CGT contre le gouvernement, de plutôt créer une zone, donc dans les ZAD c'est un peu différent parce qu'il y a une conflictualité quand même, mais c'est finalement dans les free parties, etc., c'est vraiment faire la fête, ah oui. Ou réapproprier un truc qui n'a pas forcément d'intérêt pour l'État, qui est même pas forcément réprimé, c'est le but aussi, et qui disparaît du jour au lendemain. Donc ça, c'était un peu un concept lancé par Akinbe, et lui, il poussait ça même dans d'autres structures, vis-à-vis des hackers, d'Internet, etc. Il voyait qu'il pouvait y avoir des communautés virtuelles, libertaires, etc. Il avait toute une idéologie par rapport à ça, et lui, il se revendiquait aussi du post-anarchisme, après, avec des choses différentes de ce que tu as dit. Oui, alors bon, pas si différente finalement. En fait, mais tu as raison, l'idée d'évitement de la conflictualité directe est quelque chose qui est très présent dans les théories politiques qui se revendiquent du postmodernisme. Et pour le post-anarchisme, pour Akinbe, c'est tout à fait ça. Il s'agit en fait d'être toujours là où les forces de répression ne sont pas. Et dès qu'elles arrivent, on fuit. Donc on va à chaque fois essayer de ménager des poches de liberté, comme ça, qui sont ces fameuses zones d'autonomie temporaire, et qui se dissoudront dès que la répression arrivera. Ça, c'est pour le post-anarchisme, mais on peut le retrouver par exemple dans les courants qui se qualifient de post-féministes, donc c'est-à-dire en fait les courants queer. C'est ce que dit Judith Butler finalement, c'est-à-dire les formes de domination qui sont véhiculées par les normes, le caractère normatif des représentations de genre, ces formes de domination-là, on peut essayer d'y échapper, mais elles se reconfigureront toujours d'une autre manière. On n'échappe jamais finalement des rapports de pouvoir. Ça, c'est un postulat qui est posé par Michel Foucault dans ses recherches dans les années 70. C'est que finalement, il n'y a pas d'en dehors du pouvoir. On sera toujours dans des rapports de pouvoir. On ne peut faire que les réagencer différemment, les reconfigurer. Donc Judith Butler reprend cette idée-là et dit si on veut échapper aux normes de genre, ce qu'on peut faire... Ce n'est pas les affronter de manière directe, ce n'est pas essayer de les détruire purement et simplement, mais c'est plutôt de les reconfigurer Et c'est ce qu'elle, c'est là où elle parle, par exemple, de parodie. C'est-à-dire, et c'est le fameux exemple de la drag queen ou de drag king, une personne qui va reprendre les stéréotypes liés au genre, donc par exemple à la sexualité masculine, mais qui va les subvertir en les mélangeant avec d'autres caractéristiques de genre qui sont celles de la femme, qui va procéder en fait à des parodies en exagérant les traits masculins, par exemple, et ainsi de suite. Et de cette manière-là, en fait, on est dans un affrontement qui est indirect, en fait. On est dans une déconstruction, encore une fois, mais qui déplace les critères, les normes, qui instaure un trouble, d'où le titre du livre de Judy Butler, Trouble dans le genre. On va instaurer un trouble. Le problème, c'est qu'instaurer un trouble, ça ne veut pas dire renverser. Renverser la domination, puisque pour elle, on ne pourra jamais la renverser définitivement. Et c'est là où, une fois de plus, il y a une impasse, d'après Renaud Garcia, sur le plan politique. C'est que finalement, ces idéologies-là, les idéologies postmodernes, les courants politiques qui s'en revendiquent, qui s'en réclament, sont incapables de proposer un renversement total, une révolution en fait, un renversement total dans les assignations de rôles, les assignations d'identité, dans les formes d'aliénation qui sont véhiculées par la société contemporaine. Eux pensent toujours en termes de reconfiguration, d'échappatoire, de parodie, de trouble, mais jamais en termes de renversement, de destruction, d'abolition, de démantèlement. Et le concept de déconstruction signifie ça aussi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, déconstruire, c'est reconstruire. Mais c'est reconstruire à partir des mêmes matériaux, simplement disposés dans un ordre différent. Ce que propose Renaud Garcia, c'est d'être plus radical, d'aller jusqu'au bout, d'effectuer une critique et pas simplement une déconstruction. Et une critique, au sens étymologique, c'est quoi ? C'est faire un tri entre des éléments qui aliènent et des éléments qui libèrent. Et les deux sont toujours indissolublement liés. Il s'agit d'abolir vraiment les éléments aliénants et au contraire de servir de ce qui reste encore d'un peu libérateur pour construire un autre type de société, d'autres types de rapports sociaux. Pour moi, j'ai l'impression que les postmodernes font commencent bien, en fait, par une déconstruction au sens de Derrida, c'est-à-dire une critique du discours. Mm-hmm. Et après, c'est pour moi, à chaque fois, c'est la conclusion qui m'étonne, c'est-à-dire regardez ces occidentaux, ils sont pas vraiment universalistes. Donc l'universalisme, c'est mal. Et en fait, c'est un peu comme si on disait regardez, ces antiracismes, ils sont pas vraiment antiracistes, donc l'antiracisme, c'est mal. Enfin, c'est complètement, c'est dire, c'est pas parce qu'on utilise parfois même des choses bien pour le mal que par exemple, les outils révolutionnaires sont forcément du côté du pouvoir, etc. Enfin, pourquoi la critique dévie vers ça? Est-ce que, par exemple, pour prendre le cas de Lévi-Strauss, c'est-à-dire, c'était nécessaire de dire que l'universalisme mis sur tous les drapeaux conquérants des impérialistes n'était pas de l'universalisme, c'était quelque chose de faux. Mm-hmm. Mais ça ne veut pas dire que l'universalisme est à jeter. C'est-à-dire qu'il est justement à réinventer et reprendre du départ cette idée-là. En fait, le postmoderniste, en partant du postulat que la réalité n'existe pas, finalement, arrive à s'en mêler les pinceaux avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vice méthodologique qui consiste à croire que parce qu'une idée est proposée de manière incomplète, de manière inachevée, avec tout un ensemble de limites, cette idée-là est à jeter. Alors qu'en fait, au contraire, cette idée engage une logique qu'il s'agit de mener jusqu'à son terme. Par exemple, la logique d'universalisme, l'universalisme occidental est un universalisme complètement ancré et limité par une vision coloniale, dominatrice, effectivement. Mais c'est pas pour autant qu'il s'agit d'abandonner l'idée d'universalité, il s'agit au contraire de la faire exploser les limites dans lesquelles elle était enfermée et d'aboutir à un universalisme authentique. Ça, c'est une idée qui est défendue notamment par Emmanuel Wallerstein dans un livre qui était paru chez Demopolis il y a une dizaine d'années maintenant, où il faisait la distinction entre l'universalisme occidental et l'universalisme authentique. L'universalisme authentique, c'est celui qui n'est plus ancré dans une culture spécifique et qui est capable d'affirmer des valeurs qui sont véritablement universelles, qui concernent tous les êtres humains. Donc oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Oui. Est-ce que le postmodernisme finalement a amené quand même beaucoup d'outils même si ce balancier serait revenu, c'est-à-dire critiquer le discours, enlever les masques, et si on avait derrière quand même une notion de réalité et de lutte réelle, ouais, même Judith Butler et tout ça ont un discours finalement très très pertinent par moment. Est-ce que finalement il ne faut pas s'approprier aussi une partie de Foucault, une partie de Judith Butler, une partie de tous ces gens-là? C'est ce que dit Renaud Garcia dans son livre, c'est que tout n'est pas à jeter à la poubelle dans ces pensées-là, bien évidemment. Certains éléments de la critique foucauldienne sont à reprendre. Certains passages de Judith Butler sont vraiment très bons aussi et sont très justes, très lucides. Lui, ce qui l'intéresse, là je parle de Renaud Garcia, c'est les conséquences politiques. C'est-à-dire la critique qui est menée par ces courants-là est souvent très intéressante, à condition toujours de voir quelles en sont les conséquences politiques. Donc si certains de ces éléments-là nous permettent de nous extirper des situations dans lesquelles on est enfermé, ces éléments sont à conserver. En revanche, si dans les théories postmodernes, certains éléments ont des conclusions politiques qui ne nous permettent pas de sortir de situations, ils sont à abandonner. Il s'agit en aucun cas d'abandonner ou de répudier toutes les théories postmodernes sans les avoir examinées dans le détail. Encore une fois, ce que propose Renaud Garcia, c'est pas de déconstruire les déconstructeurs, pour utiliser une formule un peu facile, c'est de critiquer les déconstructeurs. Et critiquer, encore une fois, faire le tri dans leurs pensées. En sortir les éléments qui peuvent encore nous servir aujourd'hui, et au contraire, abandonner les éléments qui ont fait l'épreuve de leur stérilité politique. Quand on voit aujourd'hui l'impossibilité de se structurer, de se fédérer entre des mouvements de lutte qui sont sur des terrains différents les uns des autres, par moment, on peut se dire que, effectivement, les théories postmodernes, en affirmant toujours le primat de l'identité, du particulier, finissent par scissionner, fragmenter les luttes. Et donc ce sont peut-être ces éléments-là qu'il faut abandonner à l'intérieur des théories postmodernes, les éléments déstructurants, et non pas seulement déconstructeurs, déstructurants et qui échouent à penser le commun. Juste un autre exemple, un terme qui revient souvent dans la pensée des militants qui sont très influencés par les théories postmodernes, c'est l'idée d'intersectionnalité. Intersectionnalité, c'est le fait que on pense que sur certaines luttes peuvent se recouper, peuvent se retrouver, se rencontrer des personnes qui sont victimes de domination de formes différentes. Domination de type racial, racisante, domination de genre, domination, bon, que sais-je, voilà. Et en fait, sur certaines luttes, par exemple la lutte des femmes noires, des quartiers populaires, c'est etc. L'exemple le plus courant, c'est le black féminisme. Voilà, le black féminisme. Donc sur certains points se rencontrent différents acteurs qui sont victimes de domination. Mais ce que dit Renaud Garcia, c'est que penser la rencontre entre les dominés sous la forme de l'intersectionnalité, de l'intersection, c'est exactement comme si on pensait le fait de constituer des mouvements de lutte en se croisant au coin de la rue. Derrière, il n'y a pas la pensée de quelque chose qui nous est véritablement commun, et qui nous est commun au-delà de nos particularismes, qu'ils soient culturels, de genre, etc. C'est amusant, c'est que c'était amené de gens qui se mettent à critiquer en permanence l'universalisme, qui parle d'intersectionnalité, ça pouvait faire penser que finalement on avait trouvé que voilà un noir qui lutte pour son émancipation a des points communs avec une femme qui lutte pour son émancipation. Et en fait, l'intersectionnalité, si on regarde les caricatures de caricatures, parce qu'après bon, il y a le début, il y a la fin, il y a beaucoup de choses différentes, mais il y a certains mouvements où c'est la course aux plus opprimés, c'est-à-dire que la femme noire féministe handicapée voilée et qui est beaucoup plus opprimée que l'autre, etc., une espèce de surenchère, alors que moi, enfin, dans l'idée de base, je pensais que c'était vraiment pour aller trouver des points communs, des appuis de lutte, des cohérences, finalement réinventer l'universalisme. Et en fait, c'est exactement l'inverse ce qui se passe. Oui, alors c'est là aussi on a une conséquence des théories postmodernes. Les théories postmodernes ont affirmé très fortement que, et c'était en résistance à un marxisme un peu vulgaire qui s'était véhiculé beaucoup au XXe siècle, ont affirmé que c'était pas l'économie qui faisait tout et que la culture avait aussi son importance. Et en disant la culture, on entend par là les représentations, les idéologies, les identités, etc. Et le problème, c'est qu'il y a eu un déplacement comme ça d'une forme de matérialisme très fort qui était celle du marxisme à une forme d'étude des superstructures culturelles d'une société à l'intérieur des théories postmodernes, qui fait que, fatalement, j'ai envie de dire, dans les mouvements d'extrême gauche qui sont fortement influencés par le postmodernisme, on va se concentrer sur les questions d'identité. Et donc on va même aboutir à ce que certains ont appelé des politiques de l'identité. Et là, ce que tu décris, en fait, cette surenchère comme ça au plus dominé, au plus opprimé, c'est finalement une politique de l'identité. Plutôt que de rechercher une forme de communauté entre les personnes opprimées, on va rechercher la personne qui est la plus opprimée, et cette personne qui est la plus opprimée va être celle qui est aussi qui doit retrouver aussi le plus de fierté à l'intérieur des luttes. Et donc, par effet de contraste, les personnes qui ne sont pas victimes des mêmes dominations ou qui se situent autrement sur la grille des dominations vont se sentir inférieures par rapport à cette personne dominée. Donc finalement, il n'y a pas d'abolition de la hiérarchie qu'établit la société, il y a juste un renversement. Encore une fois, hein, c'est la déconstruction, c'est aboutit à une reconstruction sous une forme différente. Alors qu'une critique, vraiment radicale, aboutirait à une abolition pure et simple de la hiérarchie. Dans l'extrême gauche, on retrouve finalement une hiérarchie inversée. Celui qu'on valorise le plus, c'est le plus dominé, c'est le plus opprimé. Mais finalement, on ne fait que reproduire en miroir ce que la société dominante fait elle-même. Radio Zinzine, et voilà, c'est l'émission Racine de Moisin, et avec Patrick Marcolini, qui dirige une collection d'éditions L'Échappée, qui nous présente le livre de Renaud Garcia, Le désert de la critique, déconstruction et politique, paru donc aux éditions L'Échappée en 2015. Tout de suite, donc, la suite. Postmodernisme, on désigne sous ce nom-là les courants philosophiques, intellectuels, qui ont procédé à une critique des grands idéaux de la modernité, donc la rationalité, la vérité, l'universalisme, et qui ont proposé donc une déconstruction de ces idéaux qui sont les idéaux des Lumières à l'origine. En revanche, la critique de la modernité, c'est une approche un peu différente, et c'est une approche qui a été défendue dès les débuts de la modernité elle-même, par les courants romantiques, et puis ensuite par leurs continuateurs, donc en Allemagne, les courants qu'on appelle de la critique culturelle, plus tardivement par certaines formes de marxisme, comme l'école de Francfort, des courants qui sont assez différents les uns des autres, mais qui ont tous en commun d'avoir critiqué la modernité sous l'angle d'une progression inéluctable de la technique et de la science, jusqu'à ce que cette technique et cette science deviennent des fins en elles-mêmes et non pas des moyens pour faire advenir une vie plus libre, plus équitable, plus égalitaire. Et donc cette critique de la modernité a notamment analysé le fait que sous les idéaux des Lumières, qui étaient des idéaux de la progression de la raison, finalement on trouvait une raison à double face. D'un côté, une raison qui relève du calcul, l'adéquation entre les moyens et les fins, la recherche de solutions techniques, de la recherche d'une efficacité perpétuelle, une raison organisatrice, une raison gestionnaire, et puis de l'autre côté, une autre forme de rationalité qui, elle, est une raison morale, une raison sensible, qui cherche justement la liberté, mais la liberté humaine, non pas la toute-puissance, mais une liberté qui se construise dans l'égalité et dans la communauté de tous les êtres humains. Donc on a deux faces de la raison, une face dominatrice et une face émancipatrice. Et ce qu'ont cherché à faire ces courants de critique de la modernité, c'est à séparer ces deux faces de la raison et à critiquer la raison technique, scientifique, gestionnaire, au nom de la raison morale, de la raison sensible, d'une raison qui relève d'une humanisation et d'une libération dans le respect de l'égalité. Pour dire les choses d'une autre manière, on peut dire que cette critique de la modernité est une autocritique de la modernité. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas, comme chez certains penseurs réactionnaires ou contre-révolutionnaires, je pense à Joseph de Maistre, ou même à des penseurs d'extrême droite contemporains, depuis Spengler dans les années 20 jusqu'à aujourd'hui des gens comme Alain de Benoist par exemple, il ne s'agit pas du tout, comme ces penseurs-là, de procéder à une critique de la modernité pour revenir à des sociétés qui étaient antérieures à la modernité, les sociétés d'Ancien Régime, les sociétés médiévales, les sociétés chrétiennes, catholiques, dans lesquelles la religion avait un pouvoir fort, qui se structurait sous la forme d'empire, etc. Il ne s'agit pas du tout de faire ça. Les courants de critique de la modernité tels que on peut... nous, libertaires, les défendre et les relire et s'approprier leurs idées, ceux de l'école de Francfort, par exemple, sont des courants qui procèdent à une critique de la modernité au nom de la modernité. C'est-à-dire, en fait, c'est au nom des idéaux de la raison, de la vérité, de la liberté, de l'universalisme, que doit être critiquée une modernité qui détruit les conditions pratiques d'une existence digne, décente. Voilà. Donc ces courants-là, je les ai déjà cités, mais Renaud Garcia insiste notamment sur l'école de Francfort. L'école de Francfort, pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est un courant du marxisme qui est apparu dans les années 20-30, à partir d'une synthèse entre les postulats du marxisme et les apports de la psychanalyse, de la psychologie, de la sociologie. Et les grands penseurs de cette école-là, ce sont Théodore Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin... Voilà, c'est un peu les trois grands noms de l'école de Francfort, mais plus tardivement, dans les années 50, il y a le nom de Herbert Marcuse qui va s'imposer aussi, Erich Fromm, qui est un psychanalyste qui est très influencé par l'école de Francfort. Et tous ces penseurs-là sont vraiment ancrés dans la modernité, mais en même temps sont tout à fait conscients des formes de domination que véhicule une société capitaliste qui se technocratise, devient extrêmement gestionnaire, réduit l'être humain à ce que Marcuse va appeler un homme unidimensionnel, un homme d'où sont détachés, où sont négligés et même écrasés toutes les facultés d'invention, de poésie, de sensibilité, d'émerveillement, et où on ne retient plus de l'homme que sa capacité à agir de manière purement calculatrice à l'intérieur d'un système concurrentiel. Pour que ça soit clair, ça c'est pas les post-modernes, c'est les technocritiques. La différence... Tu utilises le terme technocritique. En fait, on dit technocritique au sens critique de la technologie. Parce qu'en fait, effectivement, ces courants de critique de la modernité pensent qu'un des facteurs dominants de la modernité à côté du capital, c'est le développement autonome de la machine, de l'industrie, des technologies. Néoludite aussi, il y a d'autres, voilà. Y a d'autres termes pour les... En fait, c'est ceux qui osent critiquer l'adage un peu, on n'arrête pas le progrès, quoi. Oui, exactement, parce que pour eux, le progrès, tel qu'on se le représente sous sa forme technique, n'en est pas un sur le plan moral. Pour revenir rapidement, le postmodernisme, c'est l'inverse. Ça veut dire, la modernité est déjà passée, c'est un peu une fuite en avant. Oui. Qui est presque strict opposé de l'inverse. Et c'est dans ce que tu disais, tu insistais beaucoup sur le fait, c'est au nom de la modernité, c'est-à-dire au nom du rationalisme, du progrès intellectuel, on peut dire, si le progrès est critiqué aussi en tant que terme. C'est critiquer le progrès technique au nom du progrès moral et intellectuel. Voilà. La différence, c'est que le postmoderniste, on a l'impression qu'il scie la branche, c'est-à-dire que on peut plus rien critiquer, plus les arguments n'ont plus de valeur, les mots n'ont plus de sens, même si les mots sont importants, mais en fait, les mots sont des espèces d'outils rhétoriques. La rationalité échappe finalement. Pour moi, enfin, c'est pas forcément évident, même pour quelqu'un qui a lu quelques bouquins sur ça, de voir, par exemple, est-ce que Foucault a été assez proche des idées quand même de l'école de Francfort. Qu'est-ce qui fait qu'il différencie d'autres personnes de l'école de Francfort, par exemple? Alors. Je vais parler de Foucault en général, et puis parce que sinon effectivement on rentre trop dans le détail comme on n'a plus trop le temps, mais juste je crois qu'il faut que les auditeurs retiennent le fait qu'il y a deux Foucault, il y a deux Michel Foucault. Il y a le Michel Foucault des années 60 jusqu'au milieu des années 70, qui est un Michel Foucault qui effectivement peut être vu comme quelqu'un qui est assez proche de l'école de Francfort, dans la mesure où il procède à une critique de la rationalité, mais qui ouvre pas nécessairement vers un abandon de la pratique de la raison, qui ouvre pas nécessairement vers l'idée qu'on est toujours inséré dans des rapports de pouvoir et qu'on ne peut pas en sortir. C'est quelqu'un qui est encore dans une attitude de recherche et d'expérimentation intellectuelle, qui va faire un travail sur les archives, qui va faire un travail de réflexion comme ça assez approfondi. Mais les conséquences de ce travail-là ne sont pas encore complètement tirées. Michel Foucault, à cette époque-là, effectivement, peut être rapproché de l'école de Francfort. Et c'est le Michel Foucault qui va inspirer beaucoup de courants d'extrême-gauche sur, par exemple, la critique du système psychiatrique, la critique des systèmes de santé, etc. En revanche, ce Michel Foucault-là, donc qui est aussi celui qui va participer au mouvement politique d'après 68, qui notamment qui va être très proche du mouvement maoïste, ce Michel Foucault-là subit une évolution au cours des années 70 qui va être une forme de retournement du point de vue politique. C'est-à-dire que on peut le dater très précisément, il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle Critiquer Foucault aux éditions Aden, que je conseille vraiment aux auditeurs. Renaud Garcia le fait aussi un peu à sa manière dans un chapitre du livre. Michel Foucault, au milieu des années 70, et c'est en 76 très précisément qu'on peut vraiment dater le tournant, découvre les théories néolibérales américaines. Et en fait, sa première surprise, c'est de constater que on peut mener une critique de la société existante à partir du néolibéralisme, parce qu'effectivement, le néolibéralisme dénonce, par exemple, l'État fort, l'État bureaucratique, l'État qui cherche à contrôler les individus, qui établit des normes de santé, des normes de santé mentale notamment, mais aussi des normes liées à la délinquance, à la légalité, etc. Un État qui cherche à tout contrôler. Le néolibéralisme contrôle ça. Et donc Foucault retrouve dans le néolibéralisme une veine en quelque sorte libertaire qu'il avait trouvé dans les mouvements de l'extrême gauche d'après 68. Donc il s'intéresse, il se passionne pour ce néolibéralisme américain. Et progressivement, il se rend compte que le néolibéralisme critique aussi les limites de cette extrême gauche à laquelle il a participé au début des années 70. Par exemple, cette extrême gauche est extrêmement collectiviste, alors que le néolibéralisme insiste sur l'individu. L'individu, ses désirs, ses intérêts, ses pulsions. Et Michel Foucault trouve ça beaucoup plus intéressant. Et donc progressivement, à la fin des années 70, il se convertit complètement au néolibéralisme et il rejoint les partisans français d'une sorte de social-libéralisme, c'est-à-dire des gens qui viennent de la gauche et de l'extrême gauche, mais qui en même temps incorporent les idéaux de l'économie de marché, de la concurrence, etc. Pour les citer, c'est Pierre-Rosan Vallon, sur le plan intellectuel, qui est aujourd'hui au Collège de France, et dont Michel Foucault se rapproche au point qu'il publie des textes avec lui. C'est aussi Bernard Kouchner, qui à l'époque est actif dans le secteur humanitaire, mais qui participe à ces cercles de réflexion autour d'un libéralisme de gauche. Et puis, c'est Michel Rocard et Jacques Delors. Et en fait, Michel Foucault fréquente de très près tous ces gens-là, et il s'investit notamment au sein de la CFDT qui à l'époque est en pleine mutation, puisque c'est encore un syndicat qui vient des milieux autogestionnaires de l'après 68, mais au début des années 80, c'est aussi un syndicat qui s'ouvre complètement à ces théories de l'économie de marché et qui est en train d'entamer sa mue qui va le conduire dans les années 90 à devenir un syndicat réformiste et libéral, et c'est le syndicat qui pendant les grèves de 95 en fait soutient les réformes gouvernementales, pour les auditeurs qui s'en souviennent. Et donc, actuellement encore hein, et encore bien. Actuellement effectivement, puisqu'on est dans une actualité chaude. Donc voilà, le deuxième Michel Foucault, c'est le Foucault de 76 à sa mort dans les années 80, qui défend complètement et qui intègre complètement les théories néolibérales à son corpus intellectuel. Alors du coup, il y a un malentendu, et je finirai juste là-dessus, il y a un malentendu, c'est que aujourd'hui, Michel Foucault est lu au prisme de sa première époque. C'est-à-dire que comme Michel Foucault a été gauchiste, pour aller vite, de la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 70, on a l'impression qu'il l'a été jusqu'à sa mort dans les années 80. Or, problème, le Michel Foucault de la deuxième époque est un Michel Foucault néolibéral. Et aujourd'hui, beaucoup de gens gauchistes lisent les théories néolibérales de Foucault en pensant que c'est une critique d'extrême-gauche. D'où le fait qu'il y a pas mal d'ambiguïté chez les gens qui sont très influencés par les théories postmodernes et notamment par Michel Foucault, pas mal d'ambiguïté sur la question du libéralisme. C'est-à-dire qu'on trouve chez eux certaines revendications qui sont d'extrême gauche formellement, mais qui dans leur cœur, dans leur noyau, sont des revendications de type libéral. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux s'en rendent absolument pas compte, et sont sans doute de bonne foi. Mais là, il y a une critique aussi à mener sur ce terrain-là. Et voilà, vous écoutez donc Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de Moins 1. Et on vient d'entendre Patrick Marcolini qui nous parlait du livre de Renaud Garcia, Le désert de la critique, des constructions et politiques. Voilà, qui est paru aux éditions L'Échappée en 2015. Je crois que Patrick Marcolini va rajouter un petit truc encore. Je lui cède la parole. Je voudrais dire aux auditeurs qui sont intéressés par ces questions-là, mais qui trouvent qu'on est allé un peu vite, qu'ils peuvent écouter une émission qui est écoutable sur Internet, qui était passée sur Radio Libertaire. Renaud Garcia était passé dans l'émission de Christiane Passevent, qui s'appelle Chronique Rebelle. Et là, il y avait eu un entretien beaucoup plus long, beaucoup plus détaillé sur toutes ces questions-là. Donc les auditeurs qui seront un peu insatisfaits par l'émission de ce soir peuvent se référer à cette émission. Et ben voilà, ça nous donnera l'occasion d'une prochaine émission avec Renaud Garcia lui-même sur les ondes de Radio Zinzine. Et voilà, je remercie donc l'émission Offensive Sonore qui est diffusée un vendredi sur deux sur Radio Libertaire de nous avoir fourni cet enregistrement. Et voilà, pour terminer cette émission, bien je vous dis à la prochaine. Racine de Moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.